الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بونجور الله سبحانه وتعالى. Donc nous sommes dans une autre assise concernant les droits du prophète عليه الصلاة والسلام. Les droits du prophète alayhi salam qui nous permettent de réaliser la deuxième partie de l'attestation de foi. J'atteste que Muhammad est le soumis et le messager d'Allah. فمن حقوقه على أمته عليه الصلاة والسلام أن يتأدبوا معه عليه الصلاة والسلام في حياته وأن يتأدبوا مع سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. معناها لا تقترحوا على الله ورسوله اقتراحا لا في خاصة أنفسكم ولا في أمور الحياة في من حولكم، ولا لا تقولوا في قضية حتى يقول الله في على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تسبقوا بالحكم حتى يحكم الله ورسوله. قال قتادة فيما ذكر الطبري رحمه الله ابن كثير: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا وكذا فكره الله عز وجل منهم ذلك فنهاهم عنه فقال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وذكر الطبري كذلك وابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما لا عن عند قوله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. لماذا؟ فإن القول المخالف للكتاب والسنة تقديم بين يدي الله ورسوله، وقول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم عمل من عمل الشيطان. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد حرم الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Et parmi les droits de notre messager alayhi salam que la communauté doit respecter, il se doit de se comporter avec, c'est d'avoir un bon comportement envers le messager d'Allah durant sa vie et après sa mort envers sa sunna alayhi salam. Pourquoi? Tout simplement parce que le verset nous dit dans sa traduction approximative du sens: où vous qui croyez, ne devancez pas Allah et son messager, préservez les droits d'Allah, Allah entend et c'est tout. Ce qui veut dire, ne suggérez rien à Allah et à son messager, que ce soit en ce qui vous concerne, ou en ce qui concerne la vie en général, et en ce qui concerne ce qui vous entoure, ne dites rien sur un sujet ou une situation jusqu'à ce que vous vienne quelque chose d'Allah par le biais de son messager alayhi salam. Et ne devancez pas Allah et son messager dans le jugement. Tabari ibn Kathir rapporte rahimahumullah que Qatada a dit: on nous a cité que des gens disaient si la révélation est discernée et descendue concernant ceci ou concernant cela. Allah a détesté ça. Et il leur a interdit cela par ce verset. dans la traduction approximative, nous dit « Ne devancez pas Allah et son messager ». Tabari aussi, ainsi que Ibn Kathir, rapporte qu'Ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, a dit concernant ce verset « Ne devancez pas Allah et son messager ». Il a dit « Radiyallahu anhu arda, ne dites pas des choses qui sont en divergence avec le livre et la sunna ». Pourquoi ? Car dire des paroles en divergence avec le livre et la sunna, c'est devancer Allah et son messager, alayhi sallallahu alayhi sallam. Et c'est dire concernant Allah des choses sans science. Et le fait de parler sur Allah sans science, c'est un acte parmi les actes de shaitan. Comme il est stipulé dans la traduction approximative du sens du verset, « Ô gens, nourrissez-vous de ce qui est licite et bon sur terre, et ne suivez point les pas de Shaitan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal, la turpitude, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. » Et dans l'autre verset, dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit, « Dis, mon Seigneur vous a interdit seulement de commettre publiquement ou secrètement des actes infâmes, de vous livrer au péché, de vous attaquer injustement à autrui, de lui associer de fausses divinités, sans vous fonder sur la moindre preuve révélée par lui, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. » تأدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب الرفيع مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فما عاد مقترح يقترح على الله ورسوله وما عاد قائل يقول قبل أن يقول الله ورسوله وما عاد مفت يفتي في مسألة حتى يرجع إلى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بل إنهم من شدة تأدبهم بهذا الأدب أمسكوا عن الإجابة عما يعلمون خشية أن يكون في الإجابة تقديم بين يدي الله ورسوله. حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع، فكان من بين خطبته صلوات ربي وسلامه عليه أن سألهم أي يوم هذا، وهم يعلمون أي يوم هم فيه، ومع ذلك قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ وهم يعلمون أنه ذو الحجة، ومع ذلك أمسكوا عن الإجابة خشية أن يقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى قال أليس ذو الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ وهم يعلمون علم اليقين أنهم في مكة، ومع هذا قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلدة الحرام؟ قالوا بلى. فقال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والحديث متفق عليه. فإن نحن من هذه الآداب تجاه ورثته عليه الصلاة والسلام الناصحين للأمة الدابين عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن منهجه. وترى اليوم صغار الطلبة يتطاولون على كبار أهل العلم ويشوشون على الشباب، أين نحن من هذه الآداب السنية السلفية تجاه من قرن الله شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى على أعظم مشهود وهو التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العليم الحكيم. Donc faisons Allah subhanahu wa ta'ala les nobles compagnons radhiyallahu anhum. Après la révélation de ce verset, ne devancez plus Allah et son messager. Ils se sont dotés d'un excellent comportement avec Allah et envers son messager alayhi salatu wassalam. Plus personne ni même s'existant, plus personne ne disait quelque chose sur un sujet ou sur une situation avant Allah et son messager. Même sur le point et les sujets qu'il maîtrisait, il ne répondait plus par peur de devancer Allah et son messager alayhi salatu wassalam. Comme il dit cela dans la khutbah du messager sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage des dieux. Lors de sa khutbah alayhi salatu wassalam, il les a interrogés sur ce qui suit. On est quel jour? Alors qu'ils savaient que c'est le jour du sacrifice, ils le savaient. Et malgré cela, ils ont répondu, c'est seulement Allah et son messager qui le savent. Et il leur a dit, n'est-ce pas le jour du sacrifice? Ils ont répondu, certes, ya Rasulallah. Et il leur a dit, on est en quel mois? Malgré qu'ils savaient que c'est de l'Hijja, ils n'ont pas répondu. Par peur de devancer Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. Et il leur a dit, n'est-ce pas de l'Hijja? Ils ont dit, certes, ya Rasulallah. Et il leur a dit, on est dans quel pays? Alors qu'ils savaient avec certitude qu'ils sont dans le pays sacré de la Mecque. Et malgré ça, ils ont dit, seul Allah et son messager le savent. Et il a dit, n'est-ce pas le pays sacré? Et ils ont dit, certes, ya Rasulallah. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Comme il dit maintenant, où sommes-nous de ce noble comportement envers les héritiers du prophète, alayhi salatu wassalam, les dignes du conseil pour la communauté, et ceux qui sont dignes de la voie sur laquelle était le messager, alayhi salatu wassalam, et ses nobles compagnons, et ceux qui les suivent à la perfection. Aujourd'hui, on voit et on entend les minus dénigrer les montagnes de science et les accuser de choses desquelles ils sont innocents. On voit les minus qui perturbent la jeunesse musulmane. Ils leur dressent des barrières entre eux et les grands savants de la communauté. Entre eux et la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Où sommes-nous de ces comportements salafi envers la sunna qui est l'arche de Nuh? Celui qui s'y cramponne sera sauvé. Où sommes-nous du respect que nous devons avoir envers ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint leur attestation à la sienne et celle des anges, comme cela est relaté dans le verset dont la traduction approximative nous dit cela. Allah témoigne de même que les anges et les hommes de science qu'il n'est de divinité digne d'être adoré que lui. C'est lui qui maintient la justice et il n'y a de divinité digne d'être adorée que lui, le Tout-Puissant, l'infiniment sage. Les nobles compagnons d'Allah alayhim ont émis de sévères blâmes envers toute personne qui devance Allah et son messager alayhi salatu wassalam. Et envers tout individu qui dit quelque chose sur Allah sans science. Ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ankaru إنكارا شديدا على كل من يتقدم بين يدي الله ورسوله وكل من يقول قولا عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون حجة ولا برهان. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله ابنه والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. في رواية قيل أنه لم يكلمه بعد, والحديث عند مسلم. ولما أفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج قالوا لكن أبا بكر وعمر يقول خلاف قولك. فغضب ابن عباس رضي الله عنهما وقال يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا الأثر عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ومن هو أبو بكر وعمر؟ خيرة البشرية بعد الأنبياء. واليوم يعترض على قول الله وعلى قول رسول الله وعلى فعل رسول الله وتقريرات رسول الله بقول أبو فلان وأبو فلان والدكتور فلان والدكتورة فلانة. فأين نحن من قول ابن عباس رضي الله عنهما: وذات يوم سئل الإمام الشافعي عندما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال السائل: وما تقول أنت؟ فغضب الشافعي رحمه الله وقال: أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى في وسط زنارا؟ الزنار هذا الحبل الذي يربط به القساوسة جلبابهم. أترى في وسط زنارا؟ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول ما تقول أنت. وهذا ذكره صاحب العقيدة الطحاوية رحم الله أئمة المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي خافوا من الله واحذروا غضبه وعقابه، إن أنتم قدمتم قولا مهما كان قائله على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خافوا من الله واحذروا أن يحل بكم غضبه وعقابه إن لم تتأدبوا بهذا الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. دونك خون الله سبحانه وتعالى راكم ولي نوبل كومبانيون رضوى الله عليهم و ايمي دو سيفير بلام اونفير توت بيرسون كي دوفونس كيلك شوز سور الله و سون ميساج و سون بروف. ها رضوان الله عليهم كوميديت ce qui est rapporté par l'imam muslim d'Abdullah ibn Umar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, Abdullah ibn Umar a traité son fils Bilal d'une façon on l'a jamais vu traiter, le traiter ainsi. Quand Abdullah ibn Umar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'épouse de quelqu'un lui demande l'autorisation pour aller à la mosquée, qu'il ne l'empêche pas. Bilal, son fils, a dit, par Allah, on les en empêchera. Abdallah lui fait face. Il le traite fortement. Il lui dit, je t'annonce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, et tu dis, on les en empêchera. Dans une autre version, qu'il ne lui a plus parlé. Hein? Et quand Abdullah ibn Abbas a dit qu'il est permis de faire tamattu, c'est-à-dire tu fais ta umrah, tu sors de la sacralisation et tu restes jusqu'à la période du Hajj et tu rentres en sacralisation pour le Hajj. C'est le meilleur des pèlerinages, tamattu. Il a dit que tamattu est permis. On lui a dit, mais Abu Bakr et Omar disent le contraire de ce que tu dis. Ibn Abbas s'est mis en colère fortement. Il dit, des pierres du ciel vont vous tomber sur la tête. Je dis, le messager d'Allah a dit, et vous dites, Abu Bakr et Omar ont dit. Ceci est rapporté par ابن عبد البر ضم بيان العلم جامع بيان العلم وفضله. كيسي عبد الله كيسي ابو بكر كيسي عمر دو لا كوميونيتي هيمن ابخي لي بروفيت لي ميساج عليهم الصلاه والسلام سو سون لي ميور دو لا كوميونيتي هيمن ابخي لي بروفيت عليهم الصلاه والسلام اي لي ميساج. ها اي aujourd'hui on contredit la parole d'Allah et la sunna du prophète عليه الصلاه والسلام et les actes du prophète عليه الصلاه والسلام ainsi que ses approbations par les positions et les opinions de tel théoricien, de telle tendance ou tel chef de telle secte ou par les paroles d'Abu Fulan ou d'Abu Fulana et par les paroles d'un docteur ou d'une doctoresse. Où sommes-nous de cette position d'Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée? Regardez comment il se comportait avec la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Quand Shafi'i rahimahullah a répondu à une question un jour en disant, le messager d'Allah a dit, celui qui l'a interrogé lui a dit, et toi, tu dis quoi? Shafi'i s'est mis en colère. en disant « Tu me vois sortir d'une église ?» ou « Tu me vois dans une synagogue ?» Je veux dire, moi, je suis pas comme ceux qui parlent avec leur raison. Hein? Tu me vois sortir d'une église, tu me vois sortir d'une synagogue, ou tu vois autour de ma taille un zinnar. Zinnar, c'est la corde avec laquelle les curés attachent leur jilbab. Hein? Je dis, le messager d'Allah a dit, tu me dis, toi, qu'est-ce que tu dis? Hein? Ça, cela est relaté dans l'aqidah Tahawi. Hein? Regardez la position des nobles, hein, que nous devons suivre. Comment il est et comment ils se mettent en colère quand on transgresse ou on dit n'importe quoi dans la religion d'Allah ou sur le messager d'Allah ou sur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le verset que nous avons en face de nous, dans la traduction approximative, nous dit cela. Ô vous qui croyez, ne devancez pas Allah et son messager. Préservez les droits d'Allah. Allah entend et sait tout. Ce qui veut dire, craignez Allah et faites attention à sa colère et à son châtiment. Si vous le devancez dans une parole, craignez Allah et faites attention de ne pas subir sa colère et son châtiment, si vous ne vous dotez pas de ce noble comportement avec Allah et son messager. ومن الآداب كذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى آمر المؤمنين بأن يتأدبوا بهذا الأدب يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الرسول صلى الله عليه وسلم حقه على هذه الأمة من أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل. فيجب أن يوقر ويجب أن يحترم وأن يقدر ويجب أن نتأدب معه، فلا يرفع الصوت بحضرته في حياته عليه الصلاة والسلام، ولا يرفع الصوت عند قبره بعد مماته عليه الصلاة والسلام، ولا يرفع الصوت فوق صوته وهو حي، ولا يرفع الصوت فوق صوت سنته وهو ميت عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن ينادى كما ينادي الناس بعضهم بعضا. يقول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تقولوا يا محمد، لا تقولوا يا أحمد، فإن الله عز وجل لم يخاطب رسوله إلا بلفظ يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وأنتم أي الأمة الإسلامية أولى وأحق بهذا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فإن هذا سوء أدب يؤدي إلى ماذا؟ إلى الخسران العظيم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الأعمال تذهب هباء منثورا، وتلك الطامة الكبرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام البخاري رحمه الله إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. كلمة، فما بالك إذا كانت هذه الكلمة برفع الصوت على سنة رسول الله والاعتراض عليها والاعتراض على تقريره أو قوله عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les comportements qu'il faut avoir avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ne pas élever la voix devant lui, ne pas hausser la voix, et de ne pas hausser la voix aussi devant sa sunna après sa mort alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre d'Allah. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, ou vous qui croyez, n'élevez pas la voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton devant lui, comme vous le faites entre vous, de crainte que vos œuvres ne soient réduites à néant, sans vous en rendre compte. Imaginez un petit peu ce qui en découle comme châtiment. L'anéantissement des œuvres. Les droits du messager sallallahu alayhi wa sallam sur la communauté sont immenses et très importants. Après, bien sûr, le droit d'Allah. Et il découle du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le droit d'Allah, c'est la base et, sa plus importante branche, c'est les droits du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le messager doit être respecté, doit être estimé. On doit lui reconnaître la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. La communauté se doit d'avoir un bon comportement envers le messager d'Allah. On n'ose pas le ton, on sa présence, alayhi salatu wassalam, ni à côté de sa tombe, et on n'ose pas le ton après sa mort sur sa sunnah. Il n'est pas permis de l'interpeller, alayhi salatu wassalam, par son nom, comme on le fait entre nous. Mais il doit dire, ô prophète d'Allah, ô messager d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre d'Allah. Ça ne peut pas être autrement. Dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit, n'interpellez pas le messager comme vous vous interpellez les uns les autres. Cela veut dire, ne dites pas au Mohammed, ne dites pas au Ahmed, car Allah Azza wa Jalla ne s'est adressé au messager alayhi salatu wassalam que par ô prophète, ô messager. Et nous devons nous doter de ce noble comportement avec le messager alayhi salatu wassalam. Le verset nous dit, n'haussez pas le ton devant le prophète et n'élevez pas la voix devant lui comme vous le faites entre vous. Ceci, pourquoi? Parce que ceci est un mauvais comportement. Et ce mauvais comportement mène vers la destruction des œuvres, comme il est dit dans la suite du verset. De crainte que vos œuvres ne soient réduites à néant sans vous en rendre compte. Et ça, c'est la plus grande des catastrophes. Que la personne n'ait plus d'œuvre. Quand il ne respecte pas et quand il ne se dote pas de ce noble comportement face à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. ولقد تأدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب مع رسول الله فعن أبي مليكة رضي الله عنه قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس وأشار الآخر برجل آخر أي للإمارة على هذا الوفد فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا الإخلاص قال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما أمام النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته عليه الصلاة والسلام فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه رواه البخاري وأما أبو بكر فقال فيما أخرج الحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي قال أبو بكر والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخيسر حتى ألقى الله أي فقط بصوت منخفض وأنا بقربك رضي الله عنه أجمعين وأعظم من ذلك ما كان من ثابت بن قيس رضي الله عنه حيث كان من أمره أنه كان رجلا جهير الصوت صوته يتكلم صوته جوهري صوته قوي فلما نزلت الآية اعتزل في بيته يبكي خوفا من أن يكون حبط عمله انظر الخوف كيف كانوا وكيف كانوا يتدبرون القرآن وكيف كانوا يأخذون القرآن خطابا لهم تأمل، نزلت الآية فخاف على نفسه أن يكون عمله قد حبط، حتى افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لم يره بعد عدة أيام في المسجد. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه، أي اذهب لي آتك بخبره. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. والحديث متفق عليه. هكذا كان أصحاب رسول الله يتأدبون بأدب الله. وما أحوجنا اليوم أن نأخذ أنفسنا بهذه الآداب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نقدم بين يدي الله ولا نقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نقول قولا ولا رأيا يخالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا الله سبحانه وتعالى: les nobles compagnons se sont dotés de ce noble comportement. Ils ne haussaient plus la voix devant le messager عليه الصلاة والسلام. Abu Mulayka رضي الله عنه وارضاه a dit: les deux meilleurs de la communauté ont failli périr. Il parle d'Abu Bakr et d'Omar. Ils ont élevé leur voix devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'arrivée de la délégation de Bani Tamim. En plus, ils ont élevé leur voix. Pourquoi? Chacun voulait désigner un émir pour cette délégation. Hein? Lors de l'arrivée de la délégation de Bani Tamim, un parmi eux a suggéré aux messagers de désigner à leur tête l'Aqra ibn Habis. Et l'autre a suggéré à un autre homme. Abu Bakr a dit à Omar: Je ne voulais que la sincérité. Je n'ai pas voulu être en divergence avec toi. Leurs voix se sont élevées devant le messager alayhi salatu wassalam. Pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset: ô vous qui croyez, n'élevez pas la voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton devant lui. Ibn Zubayr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, a dit: après ce verset, Omar ne prononçait plus rien devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que le prophète l'interroge. Et il est rapporté par l'imam Bukhari. Hein? Jusqu'à ce que le... Il n'osait plus rien dire jusqu'à ce que le prophète l'interroge. Quant à Abu Bakr, dans ce qui est rapporté par l'Hakim, et l'Hakim a dit que c'est un hadith qui est authentique, Dahabi dit la même chose. Quant à Abu Bakr, il a dit: par celui qui t'a descendu le livre, ô messager d'Allah, je ne te parlerai qu'à basse voix jusqu'à ce que je rencontre Allah. Regardez, hein, ces nobles compagnons, et qui c'est Abu Bakr, qui c'est Omar, hein, et regardez comment les nobles compagnons, Abu Mulayka, hein, qui va venir après, et ainsi que Abu Bakr et Omar. Les versets, c'est un message pour eux, ils les prenaient comme des messages, que Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à eux. Cela nous prouve comment ils méditaient le Coran, comment ils le comprenaient, comment ils le mettaient en application. Hein, Ridwanullah. Et c'est comme ça que ça doit être, parce que le Coran, ce ne sont que des messages pour nous. Chacun de nous doit le prendre pour un message pour lui, et voir où est-ce qu'il en est par rapport aux ordres qu'il y a dedans, par rapport au comportement qu'il y a dedans, par rapport à l'interdiction qu'il y a dedans, et ainsi de suite. Hein? Et comme il dit, cette soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils avaient devant Allah alayhim, et ce respect, ce grand respect qu'ils avaient du messager aussi. Et on comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis comme vizirs de son messager alayhi salatu wassalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Et qu'on médite cette noble situation de Thabit ibn Qais, radiyallahu anhu wa Allah. Thabit ibn Qais avait une voix qui porte, une voix très forte. quand ce verset est descendu, il s'est renfermé chez lui, en pleurant sur sa situation, par peur que ses œuvres ne soient réduites comme il est dit dans le verset. Regardez, ils entendent le verset, après ils analysent leur situation à travers ce qu'ils ont entendu du verset. Regardez ce que ça fait sur eux. Il est resté chez lui, enfermé chez lui, à pleurer sur son sort, hein, par peur que ses œuvres ne soient réduites, qu'il n'y ait plus d'œuvres. Quand le messager d'Allah s'est rendu compte de son absence et qu'il ne le voyait plus dans la mosquée, hein, un homme a dit, « Oh messager d'Allah, je vais aller te chercher ces nouvelles, je vais aller voir ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il a. » L'homme est venu voir Thabit ibn Qais, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Il est venu le voir chez lui et il l'a trouvé la tête pendante, tristement, et il lui a dit, « Qu'est-ce que tu as ?» Il a dit, « Je suis très mal. J'ai élevé la voix devant le prophète, donc mon œuvre est anéantie, donc plus d'œuvre, et donc, c'est le feu de l'enfer qui m'attend. » L'homme, en entendant cela, il est revenu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui annonçant la situation du Thabit ibn Qais, c'est ce qu'il lui a dit. Le prophète lui a dit, retourne le voir. Et dis-lui, tu ne fais pas partie des gens de l'enfer, tu fais partie de ceux du paradis. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Hein? Voyez pourquoi la différence qu'il y a entre nous et eux. Il a dit, combien de fois on entend dans le Coran les versets du châtiment. Hein? Aujourd'hui, on a entendu Zelzala deux fois. Hein, Salat al-Fajr et à Salat al-Maghrib tout à l'heure. Et regardez quel impact ça a eu sur nous. Pourtant, Zelzala, c'est une sourate dans laquelle il y a des événements, ce qui nous attend. Hein, ces événements qui sont proches, ils ne sont pas loin. Ils auront lieu comme ils sont annoncés par Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute. Mais regardez, on rentre dans la prière et on sort. On a eu écouté ce verset comme si rien n'était. Regardez les nobles compagnons. Pour savoir la différence, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a élus et les a mis au-dessus de tous les humains après les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam. Au-dessus de tous les humains après les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam. Hein? C'est ainsi. Hein? Et combien aujourd'hui, la communauté musulmane et les musulmans ont besoin de suivre ces modèles pour avoir la félicité et les honneurs et la suprématie dans ce bas monde. Et ce qui les attend dans l'au-delà, c'est encore plus. Des choses qu'on ne peut même pas soupçonner ou qui ne peuvent même pas effleurer et effleurer l'esprit de quelqu'un. Et c'est pour ça que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala s'acharnent pour que les musulmans d'aujourd'hui ne connaissent pas et ne suivent pas la voie sur laquelle étaient Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, etc. Abadan. C'est pour ça qu'il essaie, il faut, regardez ce qu'il a dit le Bush Junior, hein, il faut donner une autre explication aux définitions du Coran, aux définitions de la religion, etc. Il faut enlever ceci du Coran, il faut enlever cela, etc. Hein, et regardez ces idées, où est-ce qu'ils ont emmené, hein, la mixture, une salade mixte de religions entre eux, le monothéisme et l'associationnisme, entre le bouddhisme et le monothéisme, et ainsi de suite, pour nous faire gober cette prière, cette, hein, religion abrahamique. Il faut être éveillé devant ce qui se trame. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé de connaître la voie du pieux prédisseur dans l'info se cramponner de ses morts, de ses avec vous là, malgré le prix que nous devons payer, malgré les sacrifices que nous devons faire. Parce que c'est le seul chemin vers la satisfaction d'Allah. Il n'y en a pas 50 000. Hein? Et combien nous avons besoin de comprendre cela, et une fois qu'on l'a compris, de le mettre en application. Ça suffit pas, la théorie ne suffit pas, la théorie n'est qu'une preuve contre nous. Hein? Mais c'est la mise en application. Hein? Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur cette voie et de faire de nous des gens qui l'accomplissent dans leur vie. واختم بما ذكره شيخنا الشيخ عبد الله البخاري في ختام محاضرته حقوق النبي صلى الله عليه وسلم قال متع الله به اسمع اسمعني الله واياك الخير ونفعني الله واياك بالآي والذكر الحكيم اسمع الى كلام الامام الحسن البصري رحمه الله في هذه الوصيه الجامعه الماتعه الجامعه المانعه مما ذكره السافريني رحمه الله في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد قال رحمه الله يا ابن آدم لا تغتر بمن يقول بقول من يقول المرء مع من أحب إن من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم وإن كنت مقصرا في العمل فإن ملاك ذلك أن تكون على استقامة. قال رحمه الله أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المرجئة يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلام البصري رحمه الله وغفر له. وقال الشيخ عبد الله البخاري فإياك يا عبد الله إياك ثم إياك أن تكون وليا في الظاهر عدوا له في السر تمسك بهدي رسول الله واعلم حقوقه التي أوجبها الله له عليك تنجو وتفلح بإذن الله. انتهى كلامه رحمه الله ومتع به وأطال عمره على طاعته. Et je termine avec ce que Cheikh Abdallah al-Bukhari a cité dans sa conférence sur les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: écoute, qu'Allah nous fasse écouter à moi et à toi le bien, et qu'Allah fasse que les versets de la révélation ne soient profitables. Écoute les paroles de l'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dont ce conseil synthèse, cité par Safarini, dans l'interprétation qu'il a fait, des Tulatiyat Musnad l'imam Ahmed, Hadith Tulati. C'est le hadith dans lequel il y a entre celui qui le rapporte, trois personnes et le prophète alayhi salatu wassalam. Khlas. Donc c'est une haute, c'est quelque chose de suprême d'avoir, tu l'as dit, la personne qui rapporte directement deux personnes avec le prophète alayhi salatu wassalam, tabi'i et le compagnon et le prophète directement. Ceci c'est une chaîne de transmission qu'ils appellent la chaîne d'or. Comme celle de l'imam Malik, Nafi', Malik an Nafi' an Abdullah ibn Omar, radouanullahi alayhi majma'in. Donc, dans l'interprétation qu'il a fait Safarini des Thulatiyat l'imam Ahmed, il rapporte la parole de l'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qui a dit, écoutez bien, ô descendant d'Adam, ne te fais pas avoir par celui qui dit, l'être est avec ceux qu'il aime. Attention, voilà, c'est une parole vraie, mais cette parole doit avoir une réalité, doit avoir une réalisation dans la vie. Il dit, ne te fais pas, ô descendant d'Adam, ne te fais pas avoir par celui qui dit l'être est avec ceux qu'il aime, car celui qui aime des gens les suit, et suit leurs traces, et tu ne seras pas avec les dévoués, qui préservent les droits d'Allah jusqu'à ce que tu suives leur chemin et tu te conformes à leur voie et que tu te réveilles le matin et tu dors le soir en étant sur leur voie et que tu tiennes à ce que tu sois avec eux en prenant leur voie même si tu ne fais pas beaucoup d'œuvres. Car ce qui est demandé, c'est que tu sois constant dans la droiture. Et il a dit, rahimahullah, n'as-tu pas vu que les juifs, les chrétiens, Et les gens qui suivent les passions, le Murji'a, aiment leurs prophètes. Ils ne sont pas avec eux, ils ne seront pas avec eux, car ils sont en divergence avec eux, au niveau des paroles, au niveau des actes. Ils ont pris une autre voie que la voie de leurs prophètes, et leur fin sera l'enfer. Qu'Allah nous en préserve de cela. Fin des paroles de l'Hassan al-Basri, rahimahullah. Cheikh Abdallah de dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve et allonge sa vie dans son obéissance. Attention soumis à Allah. Ne sois pas insoumis en apparence. Il y a un ennemi dans l'intérieur. Cramponne-toi à la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam et apprends ses droits sur toi. Qu'Allah, ses droits sur toi qu'Allah t'a fait obligatoire. Tu vas être sauvé et tu auras la réussite avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fin de citation des paroles du Cheikh Abdallah al-Bukhari. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala fa'na wa iyyakum bima qulna wa naj'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum jazakumullahu khairan.